dit, je connaissais personne. Mais tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Je peux pas m'empêcher de casser la démarche. Lui qui me casse les couilles, je le démarre. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Elle fait comme si elle ne m'a jamais vu. Fais la belle, fais la main, tu veux. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. T'es loin d'avoir le boule de Humber et te chipote pour ton number. Va là-bas, avance, on s'en peur. Bouteille, chicha, ambiance de clubber. On dirait t'es venu te faire un nom. Les armes, tu ne veux pas te joindre à nous. Ambiance où tout le monde veut faire le youf. Mais le youf, lui, n'est pas du tout dans l'ambiance. Jamais on veut, on en miss. Ouais, peut-être que nous, on est matrixés. Même sous jambon, on arrive à pister. Les gros yeux t'ont vu, tu les as fixés. Dégage, pas là pour du love my nigga. Tu verras pas le black qui bégaye. Si je me lève et sors du vip, c'est tout le monde qui dégage. Ce soir j'suis en malin, j'fais comme si je connaissais personne. Mais tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. J'peux pas m'empêcher de casser la démarche. Lui qui me casse les couilles, je le démarre. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Elle fait comme si elle ne m'a jamais vu. Fais la belle, fais la main du vœu. Tout le monde me connaît. Appelle-moi le passeport qui te fait glisser dans la toba pour entrer, méga va compte sur moi. Si tu veux des tailles doux pour remplir la bleuta, j'ai le billet facile, compte sur moi. Si tu pètes un bleu cas sur la cambre de ce cas vu pour le numéro, tu comptes sur moi. Si t'es en manque de pas, jette un œil sur la piste et tu verras les négros pompent sur moi. Tu m'as sûrement déjà vu dans la capitale, de la street au star, tout est radical. C'est du business boy, rien d'amical. Elles veulent soutirer le bif de l'animal. Ok, je suis très calme quand il faut, mais je peux te papa s'il le faut. On est ensemble, je te le promets. Fais comme chez toi, ici tout le monde nous connaît. Ce soir j'suis en malin, j'fais comme si je connaissais personne. Mais tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. J'peux pas m'empêcher de casser la démarche. Lui qui me casse les couilles, je le démarre. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Elle fait comme si elle ne m'a jamais vu. Fais la belle, fais la main du vœu. Tout le monde me connaît. Sans même le savoir, tu me connais. Stanley Music, sois pas étonné. Black M, laisse-moi les cogner. J'vais leur faire du salage, j'vais retourner Paname. Préviens tous tes gavages, j'fais des sons qui fracassent. J't'ai vu bouger ton retard, peu sur mes sons. Comment ça, tu connais pas mon nom? Stanley Music, tu vas dire, il est trop. La croque va se perdre dans mon monde. Stanley Music, Magnum pour tout clair. J'ai le bif et les filles et ma clique dans le vip. Prenant tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Ce soir j'suis en malin. Tout le monde me connaît. J'peux pas m'empêcher de casser la démarche. Comme chez toi ici tout le monde nous connaît. Tout le monde me connaît.